Bienvenue dans votre cabinet Perfo Consulting Group. Perfo Consulting Group, un cabinet de conseil d'orientation pédagogique qui vise à aider les élèves et étudiants à faire de bons choix de formation dans les universités sénégalaises ou européennes. Yéne ko dégondo, dañuy assister clients yi gungé len ba ngeen am pré-inscription ci université yu nek Europe, Sénégal, Japp Canada. Installé à Dakar depuis 2015, le président directeur général de Perfo Consulting Group, par ailleurs un digne fils de la région de Tambacounda, a décidé d'ouvrir un cabinet local pour réduire la distance que parcouraient les élèves et étudiants à ce profit. Xibar bu neex, dañu lay jappalé ba nga am visa. Way nak yémuñu fofu mbokk yi, ginnaw élèves yi ak étudiants yi, Perfo Consulting Group dafa yombalal e-commerçant yi, képp kuy professionnel ci sa domaine, ngir nga am visa numu gëna yombé. Attention, de la réservation d'hôtel à la vente de billets d'avion, Perfo Consulting Group fait aussi des assurances de voyage, des attestations de prise en charge financière et d'hébergement. Perfo Consulting Group, ñoo ngi nek Tambacounda, dendok cimetière Medina Koura, ci ginnaw Djuma Mouride. Pour plus d'informations, appelez au 77 718 96 85 ou le 77 971 49 70. Le cabinet Perfo Consulting Group, la solution.